Leçon 4, exercice 38. Exprimer une conséquence inattendue. Remplacer avoir beau par bien que. Exemple. Le nombre d'heures de travail a beau diminuer, il n'y a pas de création d'emploi. Bien que le nombre d'heures de travail diminue, il n'y a pas de création d'emploi. À vous. Il a beau dire ne pas aimer le sport, il regarde tous les matchs à la télévision. Bien qu'ils disent ne pas aimer le sport, ils regardent tous les matchs à la télévision. Elle a beau adorer son travail, elle n'emporte jamais de travail à faire à la maison. Bien qu'elle adore son travail, elle n'emporte jamais de travail à la maison. Ils ont beau être courageux, ils ne peuvent pas tout faire. Bien qu'ils soient courageux, ils ne peuvent pas tout faire. Elle a beau partir tôt le matin, elle se couche toujours très tard. Bien qu'elle parte tôt le matin, elle se couche toujours très tard. Il a beau ne pas être d'accord, il signera quand même. Bien qu'il ne soit pas d'accord, il signera quand même.